Page 101. Activité 5. Piste 92. A. Regarde mon poisson rouge. B. Mon animal de compagnie, c'est mon chien Minou. Il a 2 ans. C. Je ne vois pas ma tortue. Elle est où ?